je suis sans ton amour. Et pourtant tu es là, seul, comme s'en vont les jours. Toi aussi tu t'en vas. Depuis quelque temps tu as vraiment changé. Tes yeux me regardent comme l'étranger. Seul, je me retrouve seul. L'amour s'en va. Sourire, mais le temps a tout changé. Et souvent la nuit quand je te vois dormir, tu ne sembles vraiment plus m'appartenir. Seul, je me retrouve seul. L'amour s'en va.